ni sa pensée. Un vol vers moi, plein de délires. Ni les régions qui courent sont pour une des lumières. Ni sa beauté de jeune Dieu qui la première. Mais tanta, ni ses jeux, ses terres caresses. Ses bras, ni rien dès qu'on touche, ni rien dès qu'on voit, de lui naît beau sa bouche. Où l'on marche du plus sûr, et qui s'acharne n'est mort. Sa bouche de fourcheux, des délices. Des voluptés, des lucioles, des désordres qui vous bient le cœur et vous boit jusqu'à l'âme, qui vous bient le cœur et vous boit jusqu'à l'âme. La vous.